Chapitre 4. Trois jours après, le 5 mai, nous entrions dans la magnifique baie de Rio de Janeiro. Un négociant français, avec lequel je m'étais mis plus en rapport qu'avec les autres, me décrivait avec chaleur le panorama qui se déroulait devant nous. Il admirait tout. J'étais plus lent à m'émouvoir. Nos impressions ne pouvaient pas être les mêmes. Les souvenirs qui me poursuivaient faisait quelquefois paraître à mes yeux en noir ce qui pour lui était rose. Marié à une femme charmante, en possession d'une fortune qu'il devait à son travail et qui chaque jour s'augmentait, il allait retrouver sa famille. Moi, au contraire, je quittais la mienne et je ne pouvais encore me distraire de mes pensées ni par le travail auquel j'étais habitué, ni par la contemplation de cet inconnu que j'étais venu chercher. « Voilà Botafogo, me disait-il, voilà l'hôpital. Cette petite montagne qui s'avance dans la mer, où vous voyez ces maisonnettes si jolies et toutes cachées par des arbres de toute espèce, c'est la Gloria. Ce groupe de maisons blanches et roses, c'est le faubourg Saint-Germain de Rio. Regardez aussi ce grand aqueduc, et plus loin, Sainte-Thérèse. Un endroit fort sain. Allez loger là. On ne craint pas la fièvre jaune sur cette hauteur. De ce côté, sur ce rocher, dans la ville même, c'est le castel. C'est comme vous pouvez le voir, le lieu où l'on place les signaux. Chaque navire est annoncé longtemps avant qu'il soit entré dans le port. » Tous ces détails avaient pour moi de plus en plus d'intérêt. C'était bien autre chose qu'Abaya. Aussi, je me laissais gagner peu à peu par l'enthousiasme de mon compatriote. Il me montrait avec orgueil les moindres détails, me les expliquant à mesure que nous passions à leur portée. On eût dit que tout cela était à lui et fait pour lui. Le soleil n'était d'or qu'à Rio. L'air n'était embaumé qu'à Rio. Quant à ce dernier avantage, j'avais bien pu concevoir quelques doutes. Nous approchions d'un quai où l'on voyait une foule de nègres, portant certains objets équivoques, au-dessus desquels des centaines de goélands voltigeaient en tournoyant. Que voulaient ces oiseaux? Quel attrait avaient pour eux ces pauvres noirs et leurs fardeaux? Mon guide, cependant, achevait mon instruction. Il m'avait déjà fait faire connaissance avec ce rocher, connu de tous les navigateurs et qu'on a justement surnommé le pain de sucre, puis le Corcovado, le Bossu, dont l'on découvre le pays à une grande distance, et comme je m'étonnais de voir à son sommet une partie blanche qui pourtant ne devait pas être de la neige, il m'expliqua que plusieurs accidents étant arrivés à des voyageurs qui traversaient là une espèce de crevasse, le gouvernement y avait fait bâtir une muraille. Depuis ce temps, on n'y court aucun danger. Tous ceux qui font le voyage du Brésil, tous ceux qui passent à Rio vont au Corcovado pour admirer la baie. Enfin, le bateau s'arrêta. Il ne fallait pas songer à emporter nos bagages. Chacun fit un léger paquet de ceux qui pouvaient lui être indispensables pendant 2 ou 3 jours. Le reste devait être transporté à la douane. De tous côtés, des embarcations nous offraient leur service. En débarquant sur 2 grands degrés de pierre, je faillis tomber dans l'eau. De là, on entre de la rue d'Irreta, habité en partie par des marchands portugais. C'est dans cette rue que se trouvent la douane et la poste. Sur les trottoirs étaient assises les plus belles négresses que j'ai jamais vues. Elles sont tellement grandes qu'on les prendrait pour une race de géants. Ce qui me les gâtait un peu, c'est que plusieurs d'entre elles vendaient du gras double qu'elles tripotaient sans cesse. De la rue d'Irreta, on entre dans la fameuse rue d'Ovidor, qui me rappela notre rue Vivienne. Toute la ville semble s'y donner rendez-vous. C'est là que les dames viennent montrer leurs toilettes. Mais ce n'était pas encore le moment d'étudier les mœurs du Brésil. Avant tout, il fallait songer à me loger. Je savais que le moins qu'il m'en coûterait serait 20 francs par jour. J'étais résigné. Arrivé à l'hôtel, j'y trouvais avec plaisir un repas passable, mais hélas, la seule chambre dont l'on pouvait disposer en ma faveur n'avait pour fenêtre qu'un petit jour de souffrance. Il me fallait donc me contenter d'une espèce de cachot pour me reposer 1 mois de fatigue. Au Brésil, manquer d'air, c'est subir le supplice des plans de Venise. C'est pire que d'avoir enduré le calme plat sous la ligne. Vers minuit, pour échapper à la chaleur de mon matelas, je m'avisais de me coucher sur un canapé en jonc. Mais là, je me sentis bientôt attaqué par des ennemis inconnus. J'avais déjà eu à me battre avec les moustiques, qui eussent bien suffi pour me tenir éveillé. Cette fois, c'était bien autre chose, et ces nouveaux assaillants devaient être assez gros. Je voulus savoir à qui j'avais affaire. La bougie allumée, une foule d'individus à antennes longues 1 pouce, rapides comme des étoiles filantes, disparurent comme par enchantement, si bien que mes recherches les plus minutieuses n'amenèrent aucun résultat. Mais à peine ma lumière fut-elle éteinte que le siège recommença de plus belle. Pour le coup, j'allumai bien doucement ma bougie, et me précipitant sous le lit, j'écrasai sans pitié un de ces fuyards. Quelle fut mon horreur ! C'était un cancrelat, de la plus grosse espèce, un vrai cancrelat, le plus affreux de mes souvenirs de voyage. Un bâtiment de guerre dans lequel j'avais vécu plus d'une année avait apporté du Sénégal quelques individus de cette espèce qui s'étaient multipliés de telle sorte que le navire en avait été infesté. Bien des années s'étaient écoulées depuis, et cependant, chaque fois que ce souvenir s'était présenté à mon esprit, un frisson m'avait parcouru tout le corps. Et voilà qu'Ario revenait ses épreuves de frissonnante mémoire. Le cancrelat allait de nouveau décolorer mon existence. Le plus simple me parut être de passer la nuit sur une chaise. J'attendis le jour dans cette triste position, après avoir illuminé mon appartement avec toutes les matières inflammables qui étaient à ma disposition. Le lendemain de notre arrivée, j'allais faire une visite à M. Tonnet, consul de France. Il eut la bonté de me donner une lettre d'introduction pour le majordome du palais, M. Paul Barbosa, que j'allais voir à Saint-Christophe, à une lieue de Rio. M. Paul Barbosa fut fort gracieux pour moi et me promit de me présenter à Sa Majesté l'Empereur du Brésil, auprès duquel j'avais de précieuses recommandations. Mais il fallait attendre quelques jours, Sa Majesté habitant encore Pétropolis, résidence d'hiver, ce qui veut dire de l'époque des plus grandes chaleurs. En attendant, je parcourus la ville, revêtu d'un costume d'une blancheur de neige que j'avais acheté dans les magasins de la belle jardinière. Mais combien fut grande mon humiliation quand je vis qu'on me regardait un peu comme autrefois nous regardions à Paris un arabe avec son burnous ou un grec avec sa fustanelle. Dans la ville de Rio, la couleur noire dominait partout. Les commis de magasins avec leurs balais portaient, dès 7 heures du matin, d'élégantes redingotes de drap. Le blanc n'existait nulle part dans ce pays, où les criminels seuls, m'avait-on dit, eussent dû être condamnés à ce supplice de l'habit noir. Croyez donc et suivez les conseils. J'avais, on le devine, une idée fixe, celle de trouver un logement où je n'aurais pas à me battre avec les cancrelats. Je passai d'abord sur une place ornée d'une fontaine magnifique et surtout bien originale. Jamais je n'ai vu à aucune autre une quantité si prodigieuse de robinets. Une cinquantaine de nègres et de négresses, toujours criant, se démenant, gesticulant, y pouvaient remplir leurs cruches sans trop attendre. Je traversai plusieurs rues, et je me trouvai au bord de la mer, précisément à l'endroit où j'avais vu tournoyer tant de goélands. Un coup d'œil jeté en passant sur ce que portaient deux nègres me fit reconnaître ce qui attirait ces oiseaux intelligents. Sur le quai, en face de la mer, s'élevait un vaste hôpital. En continuant de côtoyer la mer, je passai sous une terrasse terminée à ses deux extrémités par des pavillons. C'était le jardin public. Mais j'avais hâte d'arriver en haut d'une petite colline où j'apercevais une église, de jolies maisons et des arbres. Quel plus charmant endroit pour se loger ! Des ombrages et la mer pour se baigner ! Mais je cherchais en vain, rien n'était alloué. Après la Gloria, c'est le nom de cette colline, je visitai le quartier du Catete, où demeure toute l'aristocratie de noblesse et d'argent, le faubourg Saint-Germain et la chaussée d'antin de Rio réunis. Ce n'était pas encore là que j'avais chance de me loger. De là, j'allai à Botafogo, sur le bord de la mer, et j'y admirai de fort belles habitations, entre autres celle de M. d'Abrantès, qui est, dit-on, un généreux protecteur des arts. Mais là, comme ailleurs, il n'y avait à espérer pour moi ni appartement ni chambre. En définitive, je compris que je devais renoncer à mes illusions. D'ailleurs, il m'eût fallu acheter des meubles, louer un nègre et une négresse. Le mieux était de demander modestement au seigneur et maître de mon hôtel une chambre à fenêtre.